je n'ai rien. Et nous avons pris le chemin. Les oiseaux chantent ce matin. Le ciel a le bleu du destin. Viens près de moi, donne-me ta main. Tu oublieras tous tes chagrins. Cherchez plus loin. Si un rayon de soleil fait que tout s'éclaire, tu es sur le bon chemin. Car ce rayon de soleil, c'est la vie qui te sourit enfin. Viens mais n'attends pas demain, tu verras nous serons bien. Tu étais seul, je n'avais rien. Les oiseaux chantent tous les matins et nous connaissons leur refrain. Près de toi je me sens si bien et dans tes yeux je le vois bien. Le ciel a le bleu du destin. Viens on s'en va, viens prends ma main. Si un rayon de soleil te rend la vie belle, ne va pas chercher plus loin. Cherche plus loin. Si un rayon de soleil fait que tout s'éclaire, tu es sur le bon chemin. Car ce rayon de soleil, c'est la vie qui te sourit enfin. Viens mais n'attends pas demain, tu verras nous serons bien. Si un rayon de soleil te rend la vie belle, ne va pas chercher.